Quel que soit ton mât, ta corde ou ton combat, d'une fois, elle t'assigne, imposant leur loi par-dessus voix et joie déjà. Imposant mes choix au-dessus de leur loi, ma vie.